l'apocalypse des poètes. Je vais te dire la vérité. Je vais te faire tourner la tête. Moi et mon cœur, ensanglantés. Ne pas pouvoir dire je t'aime. Toi qui animes mes pensées. Tu aperçois l'orée lointaine de tous ces bois enchantés. La grande ronde des poèmes. Et là, tu vas te régaler. Beauté exquise, sans pareil, que j'entrevois dans mes pensées. Pars, que j'oublie la merveille de ton regard souligné, de tant de joie qui m'émerveille. Ça va, mon cœur va y rester. Le jour revient et je t'aime, autant qu'avant l'arrivée de ces oraisons austères qui calment mon âme enragée. Tout est du pareil au même quand il s'agit de la vérité. En tout cas, moi je t'aime et d'une fièvre endiablée.